I pull up with a money squad. You can hear us coming from 100 miles. I ain't really into chatting. When you see me look, you know I don't play. All these guys won't be superstars, but I'm putting work, I sleep on them. Lace front, kinda show me bitches always chatting shit in my fucking comments. Pull up, let it back, ayy. 54 be the gang, ayy. Reppin', reppin' that place where if you black, it ain't safe. Pretty flippin' Bob and Britney. Yo, that's Steffi and another 50. Yeah, that's 350 if you count it with me. He fell in love with the cocaine. The cocaine. Yeah, Steffi and another 50. Yeah, that's 350 if you count it. Pour ça, j'suis sous Jack dans mon bando. J'fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu celle Lolo. Elle m'a pas follow pas quand je l'ai follow. Elle fait la go. Qui connaît pas Charo? Elle m'a vu à la télé. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma choré. Yeah, yeah, I'm holding my strap in the bando. Huncho B's the trap, I'm serving the chickens, look like Nando's. Yeah, superstar, super butterfly wings on cars. Don't try my boys, nigga be ready to rob. Start fire like Jackson, dressing up black like Blaston. Splash, hit him with a ratchet. You want smoke, bring your casket. Smoke, big trip down to the fashion. Jet flying over the Atlantic. Huncho, infrared Manson. Lil' mama, give me them panties. Do damage, do damage. Fish telling out the parking lot. Had to let the police have it. 12. Ice, ice, carrots. Ice, ice, carrots. Ice. Ice in my ring, ice in my neck, and ill, I hope it embarrass you. I hope it embarrass you. J'ai sorti ma marque, sorti ma trappe, les rappeurs m'ont pris pour leur modèle. Devant la maille, devant les femmes, trop de principes, on reste modeste. Les types ont cramé nos jeans, les bitches ont capté nos vis. J'fais des avances à sa maîtresse, mon fils joue à la play dans la pluie. Fais bien les choses, la vie c'est traite. Le fils du voisin joue à la dinette. Jette pas l'argent par la fenêtre, tu finiras le nez dans la cuvette. Pendant la crise, j'ai volé sans voyager. Donne-moi la caisse, gros j'ai dit bah moi l'argent. J'suis sous Jack dans mon bando. J'fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu celle Lolo. Elle m'a pas follow pas quand je l'ai follow. Elle fait la go. Qui connaît pas Charo? Elle m'a vu à la télé. Elle a dansé ma choré. Elle fait la go. Qui connaît pas Charo? Elle m'a vu à la télé. Elle a dansé ma choré.